j'ai vu assez pour savoir quelle femme vous êtes. Vous me connaissez. Vous êtes la meilleure ainsi que la plus belle des créatures. Non. Faut-il que j'en appelle à ce que vous nommez